trouver une maison sombre, son histoire hantée de nos ombres. On s'est tué, on a laissé nos ombres. Prépare-toi à changer d'un seul coup. J'ai trouvé une guitare magique. Quand j'en joue, elle rend aphasique. Souviens-toi de ton plus beau rêve. Nous, on peut le rendre éternel. Juste une petite chose en retour. Ton amour est pas le demi-tour. En librement, abattement, affirmant ton châtiment. Essoufflant, embrasant, consumant ton engagement. Vainement, sourdement, sauve-toi maintenant. Sauve-toi maintenant, et sauve-toi maintenant. Librement, ardemment, affirmant ton châtiment. Essoufflant, embrasant, consumant ton engagement. Vainement, sourdement, suis-moi maintenant. Et suis-moi maintenant, et suis-moi maintenant. Sortir de cette ombre, tu es prise au piège dans la pénombre. J'ai trouvé une caisse maléfique. Quand j'en joue, elle rend amnésique. Souviens-toi ton cauchemar le plus sombre. On va t'en faire vivre mille à la seconde. La mort pour toujours maintenant. Maintenant et maintenant. Librement, adamant, affirmant ton châtiment. Essoufflant, embrasant, consumant ton engagement. Vainement, sourdement, sauve-toi maintenant. Sauve-toi maintenant et sauve-toi maintenant. Librement, ardemment, affirmant ton châtiment. Essoufflant, embrasant, consumant ton engagement. Vainement, sourdement, suis-moi maintenant. Suis-moi maintenant, suis-moi maintenant.